Beefsteak, pastèque, y'a des petits mots rigolos, y'en a qui pèsent des kilos. Sur la moquette, quand mon chien se gratte la tête.